Bonsoir, c'est Tranche d'Anard, une émission anarchiste sur Radio Air Libre. Samedi passé, nous étions sur la place des deux bancs, comme on dit, à Saint-Gilles, dans le cadre de la commémoration de l'assassinat de Samira Adamo. Nous avons enregistré cette émission sur la place ensemble avec nos amis de Radio Panique. Vous aurez des slams, des raps, des textes, et puis des enfants qui squattent notre studio, des entretiens et plus encore. Bonne écoute et à la semaine prochaine. C'est pas facile, je suis un étranger dans ce quartier, donc je vais essayer de me faire accepter pour faire la présentation entre nous et les personnes d'ici. Étrangers, ben y en a qui se sentent étrangers toute leur vie, que ce soit dans leur quartier ou simplement dans le pays où ils se situent. Même quand ils sont nés là, qui vivent là depuis des centaines d'années ou des quarantaines d'années, ça reste des étrangers. Donc, je vais pas m'éloigner, je vais essayer d'être bref et concis pour expliquer pourquoi on est ici. Ou en tout cas, moi, pourquoi je suis ici, et je pense aussi le reste ou beaucoup de personnes aussi. J'oublie pas, en étant ici, qu'en 1991, Saint-Gilles est de Forêt. Quelques années après, en 1998, ont eu lieu ce qu'on appelle les émeutes d'Anderlecht. C'est de là que je viens, c'est un petit peu plus bas. C'est pas très loin, c'est 10 minutes en vélo. 1998, et là on se rapproche de pourquoi on est ici, mais ça a un lien. 1998, il y a Samira Adamou. Samira Adamou, une Nigériane qui s'est fait assassiner pendant son expulsion avec un coussin sur la tête pour l'empêcher de respirer. Je pense qu'on donnera plus d'explications sur Samira Adamou dans les moments qui vont venir. Est-ce que ça dit à quelqu'un, Samira Adamou? Ouais. Les gars? Hey. S'il vous plaît, on ne comprend pas, mais si, je pense que tout le monde peut comprendre. Samira Adamou, c'est une Nigériane qui est en fait symbolisée là, qui a été tuée par l'État belge, par la police belge, comme l'ont été tués des jeunes en 98 ici à Saint-Gilles et à Forêt, comme l'ont été un jeune marocain à Anderlecht en 98. Et donc, voilà le lien, on s'y rapproche. Anderlecht, Saint-Gilles, Forêt, Molenbeek, Samira Adamou, 1998. 2018, Maouda, assassiné par la police belge. Dans la même situation que Samira, migrante, assassinée par la police belge, en 2018. Alors moi, si je suis ici personnellement, et je pense que d'autres personnes aussi, c'est parce que je fais un lien très étroit entre ce qui s'est passé en 91 ici, en 98 à Anderlecht, avec toutes les politiques sécuritaires qu'on vit depuis 91 notamment. Aujourd'hui, il y en a qui semblent découvrir qu'on vit dans un état d'urgence, un état dangereux. Mais j'aimerais bien que on puisse comprendre que quand on est un noir, une musulmane, un musulman, un arabe qui vit à Anderlecht, à Molenbeek, à Saint-Gilles, à Forêt, l'état d'urgence, on le connaît depuis 60 ans. Frôler les murs face à la police, on le connaît depuis 60 ans. Mais ce n'est pas frôler les murs parce qu'on a peur. C'est des questions de survie. C'est aussi depuis 60 ans que dans ces quartiers, naît la résistance. Ce qu'ils ont appelé les émeutes de 91 et de 98 ne sont que de la résistance face au racisme d'État qu'on a subi dans ces quartiers. Alors ici, aujourd'hui, en 2018, la présence, c'est aussi un acte de résistance. On est ici pour un acte de résistance, pour ne pas oublier Samira, pour ne pas oublier Maouda, pour ne pas oublier le racisme d'État. Et donc voilà, au fur et à mesure de la journée, différentes personnes vont venir se relayer, prendre le micro pour slammer d'autres pour nous expliquer les graphes. Et donc, si vous voulez venir prendre le micro, donner vos sentiments, voilà, vous êtes les bienvenus. Ou enfin, je ne sais pas, je suis le bienvenu dans votre quartier. En tout cas, merci à tout le monde. Et Semira Maouda, n'oublie pas, je passe la parole à Maïka qui est à l'initiative de tout ça. Ben, c'est pas encore Maïka, c'est juste parce que je vais vous expliquer qu'on est ici aussi avec la radio. Donc on est en train de s'installer ici une émission radio. On n'est pas en direct maintenant, on enregistre pour diffuser après. C'est ensemble Radio Panique et Radio Air Libre. Et donc voilà, pour vous dire qu'on enregistre quand même tout ce qui se passe dans ce micro. Maintenant c'est à Maïka. Salut. Moi, je voulais juste dire que ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est à l'initiative de plein de gens et plein de groupes. Donc, avec le Steki, la Chéchette et le MEDEX, aujourd'hui, toute la journée, ce soir, il y a plein de trucs organisés. En fait, ça vient de l'idée de, 20 ans après, commémorer l'assassinat de Semira Damou et ce qui s'est passé avec Maouda aussi. Malheureusement. Et du coup, voilà, il y a plein d'événements qui se passent sur Bruxelles, dans plein d'endroits. Il y a tout un programme qui se retrouve au Steki, si ça vous intéresse, les prochains jours, pendant un mois. Et voilà. Moi, je voulais lire juste un petit poème, parce que pour cette commémoration, en fait, il y a la revue 64 qui a publié un petit journal où des dessinateurs, des gens ont fait des contributions. Le journal se trouve aussi au Steki. Peut-être on peut en mettre un peu ici, quoi. Comme ça, voilà. Donc je me lance. Donc c'est une contribution de Karine dans le petit journal de la revue 64. Toi, grand-mère. Toi, grand-mère, qui rêvais de liberté, de terre meilleure pour tes enfants et tes petits-enfants, jusqu'à la pierre foulée de tes pas assurés. Toi, femme du désert, qui habitais cette mémoire sauvage de nos héritages. Toi, visage creusé de sillons, qui partageais les secrets et les légendes de nos pays. Toi, grand-mère, qui chantais des paroles de joie pour que vive en nous une lueur d'espérance. J'entends encore ta voix qui me berçait sur les chemins de l'exil. J'entends encore le chant chaud et mielé à l'horizon. Je te promets, je n'oublierai pas. Et du coup, le micro est ouvert à ceux et celles qui veulent. Donc venez nous voir et venez dire un mot. Tu veux déjà? Ah oui. Ok, vas-y. Bonjour à tous, je vois beaucoup de têtes que je connais. voilà, je suis là pour le club d'Ourouti avec mon poteau Vince qui est là-bas, qui est un peu timide. Mais c'est pas grave, je vais lancer la sauce. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux parce que là, ça fait un peu peur, je vous avoue. Alors, un petit truc. Ça coûte pas cher, hein, ça coûte 3,50 €. Pour aller foutre des trucs partout, en discrétion, partout dans la ville, c'est pas mal. Écrire les noms des gens qui meurent face à cet état répressif, cet état autoritaire, cet état complètement débile, selon moi. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup des états comme ça, en Europe, en Occident et ailleurs, malheureusement. Allez, je vous lance un petit texte, juste pour chauffer la salle. Allez, c'est parti. En sortant de chez moi, j'ai croisé un huissier qui passait par là fortement encadré. Genre hipster sécurisé qui vit du billet gratté aux pauvres d'à côté. Il cause à flux tendu quand les flics se ruent et s'évertuent à acheter mon voisin à la rue. Sa maison confisquée parce que les banquiers nous ont complètement ruinés. Je me suis pendu au téléphone pour que notre voix résonne et s'incarne dans le quartier. Quand les agents s'immiscent pour nous déposséder, la foule s'assemble et fait bouclier. Alors là, j'aimerais sentir notre énergie amplifiée. Pas ton haleine quand tu te mets à ronfler. Alors lève le poing en l'air et commence à regarder. Autour de toi, il y en a d'autres qui sont prêts, dans les coups durs comme dans les coups montés. Un peu plus loin, revoilà les Condés. Sans dents, je les apprécierai, mais les voilà secondés par les contrôleurs de la RATP ou de la STIP, ça m'est égal. Quand un type à l'air atypique se fait alpaguer, aussitôt menotté, je me suis interposé. Et ce n'est pas seul qu'ils l'ont embarqué. Il se trouve que c'était un sans-papier. Et en fait, je n'ai rien pu faire pour l'aider. Malgré le sit-in des indignés, le lock-on des enragés, le désaccord des passagers, mais des millions de personnes se font expulser ou meurent sur les routes en voulant arriver ici. Et là, encore une fois, j'aimerais sentir notre énergie amplifiée. Pas ton haleine quand tu te mets à picoler. Alors, lève le poing en l'air et commence à regarder. Autour de toi, il y en a d'autres qui sont prêts. Dans les coups durs, comme dans les coups montés, c'est bien de savoir sur qui tu peux compter. Alors, je passe le micro à quelqu'un ou je le pose. C'est gentil, mais j'y suis pour rien, c'est pas pour moi. Allez, quelqu'un d'autre? Personne? Bon, ben. Bon, on va prendre une petite pause de musique, comme pour vous chauffer après. Comme ça, vous prenez un peu de l'air. Merci déjà, hein, Club de Routy. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A silk on print to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

transformée en feuille, celle que tu signes, que tu dessines, que tu veux déchirer, mais qui décide si tu peux ou non te déplacer. Quand, comment et pour combien de temps tu peux franchir un seuil. 1 million d'arbres abattus pour produire des gobelets, dans lesquels seront goulûment inspirés des litres et des litres de café, par des sociétés au capital qui dépassent l'illégalité et aux capitaux qui ne seront jamais taxés, pour lesquels on ouvre et on efface les frontières. Si tu étais capital, c'est la liberté fondamentale qu'on t'accorderait, sans contrôle ni entrave. Mais pour toi, l'illégal, pas de marché unique, pas d'élimination physique ou technique. Pour toi, on érigera toujours, toujours plus de grandes barrières. Le temps de la peur est terminé. J'ai brûlé mes papiers. Comme si j'étais sans trace. Comme si j'étais sans race. Je me lave de toute votre paperasse. Il paraît que l'homme blanc sent le cadavre, alors j'ai brûlé mes papiers. Si j'étais un oiseau, je serais déjà loin. Si j'étais un bruit, je serais un vrombissement sourd, une vibration de chaleur englobante. Je viens d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, je suis d'ici. En déni de ce qui me précède, je m'en vais reconstruire. Alors dors, petite, dors. Moi, je m'en vais. Il paraît que l'homme blanc sent le cadavre. Alors j'ai brûlé mes papiers. Merci. Merci, merci. Ils veulent encore ? Laurent, tu veux encore ? Ouais, vas-y. Ça se chauffe. Bon, c'est pas forcément toujours en rapport avec le sujet du jour. Oui, je vais rapper, oui. Donc, t'as toutes les instrus là-haut. Je veux bien que tu mettes... Salut. Elle est où ? Non, il n'y a pas. Oh, allez, empreinte, voilà. Ouais. Ouais. Bon. Voilà. On aime bien vous raconter des histoires, donc je vais vous raconter une petite histoire. Alors, j'ai le cul posé sur une chaise. Ce type me regarde dans le blanc des yeux à me poser tout un tas de questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Le ton monte doucement. Et puis l'inspecteur veut mes empreintes pour une loi que je viens d'enfreindre. Je deviens avare en phrase, lui et moi ne sommes pas en phase. Tout ça parce qu'il y a en face une répression tenace. En plus sa tête m'agace, il veut faire de moi sa poucave, t'inquiète. J'tiens ma langue en place, l'avocat me remplace. Retour de la lutte des classes, la bourgeoisie arrête ces phrases que je kick. Deux, trois phrases et comme des punchs de Joe Frazier à la ligne. J'inerai jamais même en cas, je me résigne pas comme un sage au fond des bois. Message au fou des rois, la foule s'installe devant le piédestal gouvernemental, ils veulent nous rendre à fou à pote, serre les coudes. Va falloir en découdre avec toutes les formes de l'ordre. Ça se passe dans le désordre, quand la rue déborde, pour pas finir au bout d'une corde, suivrai la horde, je mords la pomme de la discorde, j'en ai marre de leurs discours, depuis que sont tombés les deux tours, j'ai fait un petit détour, du côté de Hambourg, jette pavé dans le décor, ou jette privé dans ma cour, tant qu'il y a de la prod hip-hop non-stop, on jette l'opprobre sur les tenants de l'ordre, sous lieutenant de choc, saoulant tout le temps, sur le règlement non, sur l'onde de choc, sur le règlement non, sur l'onde de choc, alors, après ça, ils m'ont relâché, j'ai marché un peu, je voulais respirer, me relaxer. Puis j'ai pris le métro ou le tram, je sais plus trop bien c'était où. Attends. Souviens-toi, Horta, les trams étaient en retard. Quelques castards masqués repeignent les couloirs. Pas seulement des fouloirs, sortent d'offense vive sur les murs. Harry de Goliath contre David avec des ogives liquides. Le monstre, c'est la Stib. Tentacules électriques, radio commandées par le flic ainsi que l'armée et les flics. Se donnent la couleur et le tram multiple. Entre les mailles du filet, je te dribble. Je suis l'enfant terrible, pas besoin d'infanterie. Juste des bombes en vente libre en dessous d'un euro si possible, ok. Tant qu'il y a de la prod hip-hop non-stop. On jette l'opprobre sur les tenants de l'ordre, sous lieutenant de choc, saoulant tout le temps, sur le règlement non, sur l'onde de choc, sur le règlement non, sur l'onde de choc, ok, j'étais à une manif, plus tard on était prêts, on avait un petit cheat contre les gaz lacrymo, on était prêts, on avait notre kawé, mais quand même, on a fini au poste, et ouais. Plus tard, je me retrouve au mitard, avec ce harcelant mital, en me faisant traiter de mytho, vivement la lue finale, métro, boulot, dodo, parce qu'on veut et qu'on le crée, pas forcément comme le font. Nous on mûrit depuis les bas-fonds, on connaît le mal et sa solution, pour l'avoir vécu sans transition, sans temps durant, j'augmente le son, le cri qui vient sera la rançon, la musique transmet les émotions, et les mots sont, et les mots sont, et les mots sont chargés de bonnes vibrations. Tant qu'il y a de la prod hip-hop non-stop, on jette l'opprobre sur l'étenant de l'ordre, sous lieutenant de choc, sous l'en tout le temps, sous le règlement non, sous l'onde de choc, sous le règlement non, sous l'onde de choc, ok. Bon, après tout ça, le soir, faut se calmer, faut un peu relativiser tout ça, philosopher. Et bon, j'ai réussi à m'endormir et je me suis dit comme ça avant de m'endormir. Un jour ou l'autre, on finit par briller, que ce soit dans l'ombre ou un soir de 14 juillet, en faisant péter des bons boules top, des variétés. C'est la même intensité, mais plusieurs façons de l'exprimer. Quand on y croit vraiment, rien ne peut nous arrêter. Ni le manque de fric, ni la notoriété. On veut cultiver l'esprit sans faire autorité, transformer l'enfer en vérité. Quand je vois ce dont j'ai hérité, tant de choses à dire, ce dont je l'ai mérité. Beaucoup de souffrance pour peu de clarté, je vais commencer par mes quartiers. De ma voix, je ne peux plus m'écarter, quitte qu'à rater, lustré, frotter. Quitte à rater mon épopée, ok. Allez, tant qu'il y a de la prod hip-hop non-stop, on jette l'opprobre sur l'étenant de l'ordre, sous lieutenant de choc, sous l'en tout le temps, sous le règlement non, sous l'onde de choc, sous le règlement non, sous l'onde de choc, ok, encore une fois, tant qu'il y a de la prod hip-hop non-stop, on jette l'opprobre sur l'étenant de l'ordre, sous lieutenant de choc, sous l'en tout le temps, sous le règlement non, sous l'onde de choc, sous le règlement non, sous l'onde de choc, ok, c'était le club d'Uruti pour vous, en direct de cette place qui s'appelle, quoi, rue du Monténégro, rue Gustave Defney. Allez. Et on est à la croisée des chemins et on vous attend au micro, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à dire, n'importe qui ici peut le dire. Vous n'êtes pas obligé de faire de la poésie. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment, c'est l'instant. À l'aise. Génin, Hirson, Gandran, Chouani, Obi, Loisson, Forbach, Brouet, Denain, Villeborg, Métal, à pas le vieux dire, Lepton. Licencié, isolé, endetté, divisé, flattaisé, enlevé, camésé, appétit, envoûté, baratiné, radié, exproprié, drogué, stressé, délaissé, exploité, drogué, stressé, délaissé, exploité, exploité, opprimé, opprimé, opprimé, opprimé, au mépris. Cette vie qui te glisse entre les doigts, tu l'avais loué au patronat. Mais comme vache à lait, tu plais plus, même si t'es fort en plus-value. Y'a plus de poste, plus d'atelier, et si du taf, ben, t'en as plus. Tu ravales ton usine en damer recoulée. Les deux bras échoués tout seul dans ta cuisine. Les forces que tu louais en fond de pension s'abîment dans la routine de la dépression. T'en as pointé des jours, est-ce que t'avais de la chance? Là t'as passé ton tour, dis donc, où va la France? Bon, comme Vachalet tu plais plus, mais comme Gogo bah reste là. Essuie les tapis mais depuis chez toi, fais-toi plaisir, défausse-toi, écoute-toi Jamiro, défonce-toi. Tu peux passer ta rage sur des boucs émissaires, bien sûr t'as la haine, mais respecte tes maîtres. Et avant tout achète, jette, achète, jette, désir, désir, achète, achète, désir, achète, jette, jette, jette, achète, jette, rejette, achète, jette, jette, jette, jette, jette, jette, jette, et rejette, jette, et rejette, jette, et rejette. Et surtout, surtout, reste chez toi, l'économie mondiale n'a pas besoin de toi. Où est le nord? Où est le sud? Qui sont les morts au pied des murs? Où est le nord? Où est le sud? Et comment l'homme passe les murs? Asmara, Kaboul, Karachi, Saigon, Addis Abeba, Khartoum, Erbil, Tripoli, Damas, Bamako, Alep, Mossoul, Kerjiri, Kosana, Mogadiscio. Fouetté, caché, fiché, braqué, coffré, caché, recraché, traqué, enfermé, recraché, matraqué, spolié, ligoté, violé, bombardé, ligoté, violé, bombardé, ligoté, violé, bombardé, ligoté, violé, bombardé, exploité, opprimé, opprimé, au méprime, au méprime, au méprime. Ta sœur est morte en cloque, ton frère est sec dans le désert. Ton père pleure dans un cachot, boit dans les flaques et prend des claques. La bac te guette, la bac te traque, la bac te traque, la bac te guette, la bac te guette, la bac te traque. Bois dans les flaques et prend des claques. Tu payes cher et très cher tes rêves, tes prières. Tu supplies pour rentrer chez nous. Non, le dédain n'est pas remboursé, y'a pas de ticket. Les places sont déjà prises, rebrousse chemin. Par d'où tu viens, tu n'as plus rien, ça change rien. Ne touche rien, mets tes doigts là, dans l'encre. À présent 20 ans, non pas ici, non pas là-bas. Rentre chez toi, t'as pas chez toi, eh ben casse-toi. Ouais c'est ça, c'est soi, nous et toi. Allez, tu peux rêver, tu peux rêver. Tu peux rêver en grec, en pachoun, en français. Tu peux courir, tu peux ramper, hey, tu peux nager. Saute, saute, de toute façon tu dis toi-même. Dans ton pays, t'es déjà mort. Allez sors, allez sors, allez souris petit gars. L'économie mondiale n'a pas besoin de toi. Kaboul, Karachi, Saigon, Gondrange, Fourbi, Obi, Loison, Auchel, Fontange, Hénin, Hirson, Addis Abeba, Khartoum, Erbil, Tripoli, Damas, Bamako, Alep, Mossoul, Fort Pakoum et Denain, Villeborde, Mittal, Apple, Goodyear, Lipton, Le Caire, Jericho, Sana, Mogadiscio. Licencié, isolé, endetté, divisé, fouetté, caché, fiché, braqué, coffré, flatté, enlédi, camésé, abéti, caché, recraché, traqué, enfermé, envoûté, baratiné, radié, exproprié, recraché, matraqué, spolié, drogué, stressé, délaissé, exploité, ligoté, violé, bombardé, ligoté, violé, bombardé, ligoté, violé, bombardé, violé, bombardé, violé, bombardé, violé, bombardé, exploité, opprimé, exploité, opprimé, au mépris, au mépris, opprimé, au mépris, au mépris, au mépris, au mépris, au mépris. Les usines tombent et l'argent voyage. L'argent tombe et les usines voyagent. Et les corps pauvres traînent leurs pensées mortes entre les hangars et les coffres. Les citernes sont pleines, la télé du monde fait délirer les crânes. Les doigts serrent la rambarde et les nuques ploient sous les claques des flics. C'est la guerre du fric, les cris des pauvres étouffés sous les clips. Bouche à miel, cœur de pierre, cocon cousu, larmes de fer. L'argent tombe et les errants voyagent. Ils portent dans le sang des caravanes d'images. Tout autour d'eux, nos pavillons s'endorment. Je bibine, business et chloroforme. Libération, justice, fraternité mondiale. Y a pas que la nation qui est en panne d'idéal. Mais pourquoi parler de ça, et de eux, et de toi, et de la lutte des classes et du sort des abeilles. L'économie mondiale n'a pas besoin de ça. Où est le nord? Où est le sud? Qui sont les morts au pied des murs? Où est le nord? Où est le sud? Et comment l'or passe les murs? Wesh les gens, vous m'entendez? Oh, oh la cité là! Ah, vous m'entendez? Slop! Ouais! Ah, zbub, zbub! Allez, répétez, zbub, zbub! Hein? Pas rien! Quelque chose, hein. Wesh, bob, bob. Wesh, la cité. Wesh, bande de. Beau gosse. Je suis pas trop du cul, moi. On me connaît de la street, hein. Allah, ouais. C'est bon, hein. Yalla. Wesh, de bois, hein. Je suis pas. Ah bonjour, je m'appelle Mohamed. Ouais, je sais pas lire en vérité, je suis con. Ouais, si. Ouais, c'est pour ça que j'ai doublé trois fois. Vas-y, lis là. J'aime pas lire, on est samedi. Bah ouais. Eh bah, ben c'est pas bien de lire, c'est haram. Bonjour, je m'appelle Mohamed Taslim. Ouais. On s'en bat les couilles. Je viens de Guinée. On s'en bat les couilles. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui dis ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'en sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui dis de ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on s'en sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits. Ma carte de crédit. Photo Snapchat du lundi. Ouais, elle est dans son délire. Elle aime quand y'a la wifi. Quand on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. J'ai pas compte, mais il faut doser. Comprendre qu'on peut pas tout exposer. Sur nous, pour nous. Elle est dans ma salope. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. J'ai envie de star un peu comme Bob Marley. J'ai vu des ralentis, je suis pas Bob Marley. Quand on s'en sort de nous, on pourra Bob Marley. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Allez, je veux tout le monde qui applaudit. Quand on s'en sort de nous, on pourra Bob Marley. Toujours les mêmes bêtises, hashtag mon bébé, mon chéri. Quand tu veux qu'on s'en vole, n'oublie pas d'atterrir comme ça en bas. Tiens, tiens, je connais pas toutes les paroles, donc c'est plus gênant. Mais Merci. Copine ou Jaja? Copine, tu connais? Non, non, copine. Mais Jaja. Tu connais copine? Non, je connais pas. Mais Jaja. Mais Jaja. Jaja. Jaja. Vous connaissez? Vous connaissez pas Jaja? Oh là là. C'est mort. Ah, bon, voilà. Vas-y. Personne veut parler dans le micro, vous êtes nuls. Le temps que vous cherchez. Non, pas pour les petits. Tu veux chanter, Zoé? Tiens, tiens, Zoé. Allez. Oui. Il me faut le truc. Vous avez quoi, en fait? Je connais pas vos Non, non, c'est pas pour le petit. Attends. Je connais ton destin, si t'es pas des nôtres, je redeviens gamin. Quand on est de sang, je chanterai. Vous voyez, on peut chanter, mais vous avez caché, monsieur. Mais je connais pas toutes les paroles, c'est bon. Voilà. C'est qui? Voilà. Nordine. Non, bah. Oh là, Nordine. Ça va? À l'aise. Alhamdoulilah. À folle. Mais non, mais pas rien. Ah mais pas rien. Allez, c'est l'ultime dernière là. Eh hey. On est ensemble. Allez, on est ensemble. Allez, non, je veux te mettre Michto. Non, c'est l'ultime dernière. Oh. Ma. Ma. Pas m'arrêter là, j'ai toujours été là. Ma vulgarité fait que je n'ai jamais été lâche. T'as pas idée, t'as pas idée. Tout le monde m'attend, mais j'ai tout. regarde, regarde, regarde, regarde, regarde, je passe ma vie à courir, les CRS nous harcèlent, ils viennent détruire nos cabanons, et nous reconstruisons nos cabanons, je passe ma vie à courir, ils nous épuisent, les CRS nous épuisent, et là, paf, nous épuisent, il m'arrive d'être arrêté 3, 4, 5 fois par jour, et regarde, regarde mon état, regarde l'état duquel je suis, regarde-moi, regarde, regarde, je passe ma vie à courir, tu trouves que c'est une vie, ça? Tu trouves que c'est une vie, ça? Regarde, regarde, regarde, je passe ma vie à courir, les CRS nous harcèlent, ils viennent détruire nos cabanons, nous reconstruisons nos cabanons, regarde, regarde-moi, regarde, écoute. Un jour, les militaires sont venus et m'ont dit que je devais bientôt rejoindre le service militaire. Tu ne pars pas au service militaire, tu pars à la guerre. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas en revenir, si tu vas en revenir un jour, tu pars à la guerre. Je voulais tout fuir, je voulais donc à tout prix fuir. Regarde-moi, regarde, j'ai été agressée par le chauffeur du camion dans lequel j'étais montée pour passer en Angleterre. Il m'a donné des coups de pied, des coups au corps, des coups m'ont atteint au visage. Est-ce que c'est ça la France? Tu trouves que c'est une vie, ça? Regarde, regarde-moi, je suis en 2008, la traversée du désert a été dure. Nous étions 125, trois d'entre nous sont morts de faim. Regarde, regarde comment nous vivons. On dort à même le sol sur des cartons, sans eau, sans sanitaire. Imagine tout ce que je mange. C'est qui, comment on nous traite? Est-ce que c'est ça la France? Tu trouves que c'est une vie, ça? Regarde, un de mes amis est mort en se noyant dans la Méditerranée. Sur le bateau, c'est comme si tu partais à la mort. Tous les jours, toutes les nuits, tous les jours, toutes les nuits, tous les jours, je pense à ça, tout le temps. Regarde, regarde-moi, regarde, regarde, regarde-moi, je suis venu en Europe afin d'être libre et respecté. Afin d'être libre et respecté, l'Europe, c'est la démocratie qui était, je pensais que pourtant, avec des droits et des libertés, la chance de commencer des études, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu trouves que c'est une vie, ça? Regarde, comment on nous traite d'être libre et respecté, imagine tout ce que je mange, libre et respecté, imagine tout ce que je mange, libre, je passe ma vie à courir, je passe ma vie. J'écris mon cabanon, je cours, il nous épuise, il nous épuise. J'écris mon cabanon, reconstruisons nos cabanons. que ça commence ainsi. L'agression ainsi, les persécutions ainsi, le je respect, le respect ainsi, la force ici ainsi, de l'exil ainsi, l'expulsion ainsi, le passé ainsi, le service ainsi, le visage ainsi, l'exil ainsi, la cellule ainsi, le amen, amen. On est un peu plus en studio maintenant, comme ça vous pouvez imaginer comment ça se fait dans un studio radio. C'est plutôt autour d'une table avec des micros, voilà. Et c'est une belle collaboration entre Radio Panique et Radio Air Libre. Ouais, et aussi avec toute l'organisation d'aujourd'hui. Donc c'est, l'événement s'appelle Ways to Nigeria, et il y a plusieurs activités. Donc il y a une partie qui s'est passée maintenant, c'était l'open mic. Que vous avez bien entendu. Oui, dans tout le quartier. Et ensuite à 18h, il y a des choses qui vont commencer au MEDEX. C'est une maison apparemment là, où il y a des petits... La buissonnière. Ouais, c'est ça. Avec aussi des comptes et un repas de nourriture nigérien et une expo, si j'ai bien compris. Mais il y a aussi eu une activité cet après-midi dans un autre lieu. Et on a ici Milady qui va nous en parler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Oui, donc toujours dans le cadre de commémoration de la mort de Semira Adamou. Cet après-midi, on a tourné autour de trois mots-clés qui vont être réutilisés la semaine prochaine. Les trois mots-clés qui sont reliés bien sûr à Semira, mais aussi aux conditions... les conséquences en fait des politiques actuelles mais aussi anciennes. Et donc on a pris trois mots et on a tourné autour en écriture, en dessin, en cachette, en radio, avec Caroline Berliner et Corinne Dubien qui étaient là pour travailler la parole radio. Et donc on a tourné aussi autour de l'écriture avec les mots enfermement, hospitalité et frontières. Et donc les enfants, le plus petit qui a vraiment participé, on va être honnête, avait 2 ans et demi. Et puis il y a eu des ados et il y avait des adultes aussi. Et donc la question c'était, voilà, vous avez plusieurs ateliers, venez participer à un atelier et transformer avec nous cette matière des trois mots en forme plastique, en forme littéraire, narrative, en forme poétique, en forme cachette. On a joué à c'est quoi être enfermé, est-ce que vous avez été enfermé, mais sur des modes ludiques. On a... C'est quoi en forme cachette ? Alors, c'est-à-dire qu'on avait fait des parcours et donc il y avait moyen de se cacher dans un lieu qui est la Bellone et de voir ce que c'était d'être à l'abri des autres, mais à l'abri aussi à l'affût. Donc on a travaillé sur des questions, parce qu'être à l'abri c'est réconfortant et être à l'affût c'est un peu le contraire. Et voilà, c'est aussi la question qui traverse les personnes sans papier. Il y avait des femmes de la Voix des sans-papiers qui étaient là, avec certains enfants. Donc cette question, nous, elle nous travaille, elle agit en nous de manière assez ludique. Ici, on était face évidemment des réalités pour lesquelles, pour certaines personnes, c'est pas du tout du jeu. Mais voilà, on s'est mélangé, on s'est retrouvé dans la cour intérieure de la Bellone, qui est un beau lieu par ailleurs. Et voilà. Et donc la matière écrite, produite, pas dessinée, on va pas pouvoir la mettre en évidence de manière radiophonique. Mais en tout cas, la partie écrite qui a été enregistrée par les personnes qui ont écrit, et la matière parole dans la rue, parce qu'en plus c'était la brocante rue de Flandre, donc c'était extrêmement mouvementé. Voilà, va devenir une matière plus travaillée, en tout cas plus affinée la semaine prochaine. Ça se passera à la Maison du Livre et il y aura une partie d'écoute et de création radiophonique live, j'allais dire, voilà, en direct, avec toujours Caroline et Corinne qui vont donc retravailler la matière, faire des propositions de travail pour la semaine prochaine. Oui, et tout ça, ça va être diffusé après à Radio Panique, c'est ça ? C'est ça, et donc c'est pas une matière... C'est ça. Et c'est déjà connu la date quand l'émission. Elle est peut-être connue, mais je l'ai pas. Alors il faudra aller aller checker, mais je crois pas. Je crois que c'est encore trop fébrile comme préparation pour que ça puisse être. Ouais. Et alors il y a aussi un atelier la semaine prochaine animé par moi-même et Maya qui est derrière moi, Maya Chauvier. Et donc l'idée c'est de travailler une parole poético-politique ou politico-poétique et de voir comment ces mêmes trois mots, mais aussi d'autres mots qui vont pouvoir émerger autour de Semira, de Maoda et toutes les personnes entrent et au milieu et autour. Et on va faire de l'écriture, produire des écrits, et puis ensuite les mettre en voix pour porter, en fait. C'est un peu comme un slogan, il ne suffit pas juste de le dire, il faut aussi le porter, et que ça agisse en nous. Et donc on va essayer de travailler cette matière-là la semaine prochaine. Et donc, s'il y a encore des gens intéressés à y participer à l'atelier, comment ils peuvent vous trouver ? Comment ça se fait ? Il faut trouver la maison, il faut trouver Saint-Gilles, puis après il faut trouver la Maison du Livre, oui. Puis après il faut trouver la porte, puis okay. Après il faut trouver l'étage. Ouais. A priori il y aura du monde pour accueillir, ça devrait aller. Ouais. Puis après, donc faut c'est nous sans trouver inscription, nous. C'est ouais, juste. On s'était dit qu'on allait faire les malines, oui, c'est sur inscription, mais en fait en termes de gestion, c'est. Voilà. Et puis c'est bien que les gens viennent même 5 minutes avant et se disent ok, j'arrive et je joue le jeu. Et Maya et moi, on va a priori s'adapter à la question pratique et pousser les murs et tout ça. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. Voilà. Allez, bon, bah merci. Merci beaucoup. Je souhaite pour en parler des autres événements qui se passent. Oui, vous avez encore autre chose Si c'est possible d'ajouter qu'il y a hier, il y avait la sortie du journal des sans-papiers, JSP, qui est le numéro 8, 7, pardon. Il y a eu un petit espace entre le 6 et le 7, mais voilà, il revient. Et donc l'idée de Journal des sans-papiers, d'abord, c'est d'avoir la parole des sans-papiers, la voix des sans-papiers mis à disposition des gens qui ne les rencontrent pas ou qui ne les voient pas ou qui ne savent pas ce qui se passe. Et donc ici, c'est un regard particulier. Il y a des personnes soutien et sans-papiers qui ont eu un avis critique sur Semira, sur la condition de Semira, sur Semira en tant que femme, Semira en tant que Nigériane, Semira en tant que violence, en tant que victime de violence conjugale. Enfin, Semira cumule énormément de problématiques. Enfin, j'ai l'impression d'en parler un peu comme si c'était essentialiste, mais voilà, elle revendiquait quand elle était vivante. Voilà, et donc Semira par la voix des sans-papiers. Et donc c'est à prix libre et pendant toutes les autres événements qui arrivent maintenant, c'est prix libre. Après, moi, j'avais envie de dire, c'est à partir de 3 €. Parce que cet argent repart vers les sans-papiers et 3 € pour un journal de qualité, bien entendu. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc voilà, il est là, ici sur la place, mais aussi dans les autres événements dont vous pouvez vous procurer ou alors demander à SOS Migrants, qui est la SBL porteuse du projet. Ouais, tantôt, voilà. On a déjà lu quelques extraits. Oui, Jean. Allez. Ouais. Donc, voilà, donc ah, ça, les gens ont déjà une petite idée de quoi il s'agit, le contenu, un peu. Mais il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Donc il faut certainement aller le lire. Voilà. Merci. Ok, merci. Merci, Mélanie. Et à la prochaine. Ouais. Et maintenant, on a aussi à côté de nous, vous pouvez Lucia. Vous présenter Lucia. Ouais. Je suis Lucia, en fait. Mais c'est un peu difficile de prononcer mon nom. Je suis désolée pour mon français, c'est terrible, mais j'essaye de... C'est vraiment expliquer. Pas terrible. C'est jamais terrible. Ouais. Mm-hmm. Mais donc oui, cette nuit, c'est aussi la clôture de Urban Cinema. C'était un projet participatif créatif sur cette place, qui n'a pas de nom en fait. On appelle la place des banques. En collaboration avec la Vieille Chouchette, IF Place, avec le support de Bruce Sit VGC. Et l'idée, c'était de créer un espace, utiliser un espace commun avec les gens d'une façon créative. Et le projet est organisé par Cyclope. On est un collectif audiovisuel en Saint-Gilles. On est 4 et on vient de 4 pays différents. Donc la migration, c'est une des choses qui nous met en commun et dont on parle tout le temps quand on fait des événements. Et donc pendant ces mois, on a fait 5-6 avec aujourd'hui projections en plein air. Et des ateliers avec les gens de la place, avec les enfants, avec les jeunes et avec les adultes pour produire des films ensemble. Et les trois thèmes du projet, c'était tout à fait l'espace commun, la migration et les rencontres avec l'autre. Et donc, vu que les STEKI et les MEDEX allaient organiser une soirée en mémoire de Semira, on s'est dit on crée un lien aussi ce soir. Et évidemment, les films qu'on avait sélectionnés étaient en tout cas sur la migration. Il y a un film d'une jeune Marocaine de 16 ans, en fait, que c'est magnifique. Elle parle avec son frère de son histoire et ses mémoires de migration. Et après, avec le STEKI et la Chouchette, on a aussi choisi un film de Christophe Vancoli, qui était présenté en 2001 au Festival de Film Marseille. Et c'est sur la cause des sans-papiers, mais aussi les rencontres avec l'autre, parce que c'est un voyage dans soi-même, donc c'est un trop beau film. Et on va présenter aussi un film sur un projet de la place Bethléem, il s'appelle la place Bethléem, que c'était aussi une rencontre interculturelle avec les gens qui passaient pour la place et qui habitent là. Et donc finalement, même si ce n'était pas prévu d'être parti des événements de Semira, c'était parfait parce que ça fait vraiment partie de nous, donc on a aimé être partie de ça. Donc ça, c'est des films qui ont été créés, si j'ai bien compris, avec les gens au passage, oui, sur donc, différentes places, à Saint-Gilles, c'est oui, ça? Oui, cette nuit, on va commencer avec sept films brefs qu'on a créés avec les enfants de cette place, Zoé et Oscar, par exemple, que tout le monde connaît, en dessinant leurs histoires de leur pays d'origine ou bien des voyages qu'ils ont faits ensemble. Et après, des films qu'on a fait avec des jeunes, on est en train de raconter l'histoire de la Chouchette, parce qu'on croit que la Chouchette, c'est un lieu magnifique et super important. Aujourd'hui, la philosophie et tout ce qu'ils font, tous les bénévoles qui font partie de la Chouchette. Donc on va raconter un peu l'histoire aux jeunes de la place pour qu'ils se rendent compte de l'importance de ces lieux et aussi des difficultés de gérer un lieu comme ça aujourd'hui. Et finalement, avec des adultes, on a fait un atelier documentaire et aussi on a utilisé la place, on a réfléchi ensemble sur la place et l'espace commun en général. Et donc ça sera présenté. Après, d'abord, on a des courts-métrages comme celui de Christophe Vancoli, La place Bethléem, et un documentaire sur la prison de Saint-Gilles de Chiara Caterina. Et on va terminer avec des vidéos qui sont faites par des autres gens qui sont autour de la place, le MEDEX, Medeber, Factum Lab et les voisins, les visites de mon voisin, qui sont des autres projets super chouettes qui se passent aussi. Ils utilisent aussi l'audiovisuel pour raconter des histoires. Et tout se passe ici, tantôt, à partir de 21h, oui. Jusqu'à 23h. Ouais. Et donc vous allez s'installer, vous êtes déjà en train de commencer, je vois, d'installer l'écran. Et ça, c'est votre équipe là-bas. Oui, oui. Ça, oui. Exactement. Okay. C'est difficile chaque fois de gérer tout ça, mais on fait ça dans nos temps libres, il faut dire. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas notre boulot. Et donc, c'est pour ça aussi que parfois, on a eu des difficultés assez grandes sur la place. Et on a décidé de continuer parce que c'est super important pour nous et c'est qu'on aime beaucoup, même si on vient de quatre pays différents, on est très différents, etc. Mais on croit beaucoup dans le pouvoir du cinéma, de passer des messages et de se connaître l'un l'autre avec les mêmes scènes, je dirais. Ok, ben on est très curieux de voir ce que vous avez déjà fabriqué jusqu'à maintenant. Et voilà. Merci Lucia. Oui, merci. On va se mettre encore un petit morceau de musique et puis on va accueillir d'autres personnes ici. S'ils ont encore envie. Bon, oui. Bien sûr. Ok. Fun, baby. Thank you.

Jack Horner sitting on the corner with no shoes and clothes. This ain't funny, but he took his money and sniffed it up his nose. Hey man, you and cops blow. Sure, what you got? Dust flakes and rocks. I got China White, Mother Pearl, Ivory Flake. What you need? Oh yeah, well, let me check it out, man. Just let me get a freeze. Go ahead, oh, man. Do it, the do it, do it. Kill you. Yeah, man, that's raw. Ben voilà, on est de nouveau en studio, mobile, Radio Panique, Radio Air Libre. Et maintenant, on a avec nous quelqu'un du Steki. Le Steki, c'est juste ici sur la place. Et ils ont reçu une presque murale aujourd'hui sur leur volet, j'ai vu. Et c'est... Qui représente Semira Adamo. Ouais. Un peu. C'est l'idée. Je pense qu'il en parlera mieux. Ok. Ouais, ben on m'a demandé de présenter un peu le Steki. Je vais juste en quelques phrases dire pourquoi le Steki a rejoint la coordination Semira Adamo et surtout, en fait, il a rejoint le constat que la coordination fait, c'est-à-dire, en guise de rappel, parce que ça a un peu été dit avant, mais il y a des nouvelles personnes, ce sont des policiers fonctionnaires de l'État belge qui ont étouffé une jeune femme de 20 ans avec un coussin et qui ont tiré une balle dans la tête d'une petite fille de 2 ans à 20 ans d'intervalle. Peu importe les partis au pouvoir, on continue à tuer, à enfermer sans jugement, à pratiquer la torture blanche en prison, à priver de tout et à expulser des hommes et des femmes selon le bon vouloir d'un quelconque fonctionnaire en toute impunité. Et selon nous, c'est une gestion postcoloniale aux formes diverses mais qui n'a jamais cessé. Et ce sont des questions qu'on veut faire exister au Steki, le front décolonial et ces questions-là et l'antiracisme politique en général. Voilà, c'est une des raisons d'être du lieu et c'est aussi pour ça qu'on a rejoint la coordination. Oui, donc merci okay, pour merci. Avoir participé et c'est vraiment chouette l'événement ce soir. Donc, ouais. Et alors, on reçoit quelqu'un du Medex. Il y a plein de quelqu'un et quelqu'une aujourd'hui. Bonjour quelqu'un. Alors le MEDEX. Le MEDEX, moi je vais parler du MEDEX en disant son nom complet. Et je change le micro. Ah, changement de micro, attention. Ouais. Okay. Ça va. Donc MEDEX, c'est un acronyme pour Musée éphémère de l'exil. Donc ça dit un petit peu ce que c'est et en même temps pas. C'est un musée nomade. C'est un lieu de réflexion, de questionnement décolonial, comme vient de le dire la personne du Steki. Un lieu aussi qui crée des anti-frontières, qui met à mal les frontières potentielles entre soi-disant des cultures de gens qui se rencontrent peu ou peu ou prou. Et donc la question du MEDEX, c'est aussi des ateliers artistiques, des lieux de rencontre autour de la nourriture, autour de voilà, toute une série de choses. Le MEDEX a un site, donc je vous invite à aller voir sur le site du MEDEX. Et ce soir, le MEDEX ayant comme le Steki, comme la Vieille Chachette et d'autres lieux de rencontre, contribué à la présentation et des événements, à l'organisation des événements, on a tiré sur la corde de la nationalité de Semira, qui est le Nigeria, qui est un pays en fait énorme au sens de territoire, mais aussi énorme en termes de culture. C'est pas juste Fela Kuti, c'est aussi énormément de culture de cinéma. C'est la troisième production, Nollywood, c'est la troisième production au monde de cinéma, avant Hong Kong, avant tous ceux qu'on pourrait définir. C'est aussi, enfin Lagos, c'est une ville extrêmement forte en termes de migration. 80% de la population n'est pas issue du Nigeria, donc c'est complètement hallucinant. Voilà, et des questions comme ça qui nous ont, au MEDEX, je dis nous, parce que j'en ai fait partie un peu de la réflexion sur le Nigeria, et il y a aussi des écrivains et des écrivaines absolument politiques, comme Chimamanda Ngozi Adichie, parce que c'est la plus connue, c'est un best-seller pour Americana et Nous sommes tous féministes, mais pas que. Et donc voilà, il y a des noms d'écrivains et d'écrivaines comme Ben Okri aussi, qui est un écrivain de l'opposition nigérien et qui a énormément subi les persécutions et dans son pays, et il a fait le choix de ne pas être exilé, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas évident. Donc le Nigeria comme prétexte finalement a aussi la question migratoire, aussi la question décoloniale, aussi la question du Nigeria qui est un pays complètement méconnu. Il y a une diaspora nigériane plutôt du côté néerlandophone en Belgique, pas trop du côté francophone. Et en tant que MEDEX, on a voulu se positionner pour aller chercher dans la diaspora des personnes représentant et la culture et voilà, les voix du Nigeria. Ça a été compliqué. Voilà, et donc ce soir, par exemple, pour représenter le Nigeria, voilà, on a Mukombo, qui est un blanc à tresse. Voilà, et on remercie qu'il soit là parce qu'il a une connaissance de l'Afrobeat et du Nigeria par ailleurs, et d'autres aussi, comme Jean-Michel Mikili et Le Grand Méchant Loup, qui sont des DJ belges ici. Et d'ailleurs, Mukombo a une émission sur Panic. Mais voilà, on leur a demandé d'être au clair avec cette question-là et d'être au service du projet. Pour travailler la question de la culture et de la musique ce soir. Donc voilà, il y aura des contes qu'on va lire en anglais et en français. Il y a un repas proposé par Becky, qui est une femme de la Voix des Sans-Papiers, qui est nigériane. Et puis il y aura des interactions avec les gens jusqu'à la musique. Et on dansera. Et donc tout ça commence maintenant alors ? Si je dis maintenant, oui. Que le maintenant de la radio n'est pas le maintenant Non. Voilà. Mais donc, ça commence, oui. Enfin, oui. C'est juste pour annoncer pour la place ici. Donc, ouais. Voilà. Il faut bien annoncer que c'est se passe tous. Un maintenant proche, on va dire. Ouais. Un maintenant proche dans une maison là. Dans l'école, en fait, qui s'appelle la Buissonnière. Okay. Ouais. Il y a quelques minutes, en fait. Oui, mais quelques, ça veut tout dire. Oui, il y a des guirlandes. Parce que là on est ici et maintenant ici, et donc oui. Et après, on coupera au montage. C'est ça. Ici et maintenant, ouais. Ouais. Okay. Donc pour ceux qui ont faim, bientôt, après, je ne sais pas à quelle heure, il y a le repas, bientôt. À l'heure nigériane. Il y a les contes pour écouter au moment que vous mangez. Donc il y a un appel vraiment de quitter la place un peu et aller à l'intérieur. Parce que voilà, ce serait dommage qu'on reste ici sur la place et qu'il n'y a personne qui va un peu voir là-bas. Il va pleuvoir. Oh non, ça pas, non. Pas pour le cinéma. Bah non. Pas pour le cinéma. Non, mais avant 21h, après, ouais. Et voilà, il faut quand même y aller avant, juste pas seulement y aller pour la musique. Il faut quand même aller regarder, si j'ai bien compris, il y a aussi un expo. Position, non ? Elle va arriver. Elle va arriver. Ok, à l'aise alors. Mais bon. On annonce maintenant, faites tranquille, mais après, allez-y. Et voilà, donc ça termine, si j'ai bien compris, vers 2h. Quand on aura plus de musique. Ouais. Quand on aura plus de musique. Ouais. Ça finit quand ça finit. Ouais, c'est ça. Okay. Il y aura DJ V de la salle. Ah bah oui, mais très DJ bien. DJ V de la salle, il est bien à la fin. Ok, allez. Ben, si vous nous écoutez là, alors vous connaissez la suite du programme de ce soir. Allez. Salut, merci. Merci quelqu'un du MEDEX. They say you can make it. trash. Yes, this generation of millionaires, pardon me, decent clothes to wear. Bonjour l'air. Bonjour. Ça va? Ouais, bonsoir. Ça va? Oui, ça, ça roule. Alors toi, tu étais sur la place ici, en train de bomber le store de la vieille Chéchette. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi a consisté ton travail de tout cet après-midi? On t'a vu monter sur une échelle, descendre, faire des pchit et tout. Oui, ben en fait, c'est un petit hommage à Malda, qui était assassiné cette année. Et en fait, c'est le monde et un peu les barbelés et tout ça, c'est un peu pour dire qu'il n'y a pas de frontières et qu'on fait tous partie du même coin, tu vois, à la fin, et qu'il ne faut pas, tu vois, juger les gens parce qu'ils sont nés dans un autre endroit, parce qu'ils ont des problèmes, tu vois, ou parce qu'ils sont noirs ou blancs ou bruns. Quoi que ce soit. C'est plutôt ça, c'est l'idée de ne pas avoir des frontières et que le monde doit être un lieu ouvert pour tous et pas pour des gens qui sont l'argent, tu vois. Mais l'argent, c'est pas la vie. Et c'est pour ça que tu as pu la participer à la commémoration Semira Amadou, Adamou. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est pour faire un peu partie. Et moi, je suis un étranger aussi, hein. Alors... Même si je suis européenne, mais c'est un peu la même merde, au final, tu vois. Ouais, c'est... Moi, je suis parti chez moi parce qu'il n'y avait pas du boulot, et pas par la guerre, tu vois, par l'arrière, comme des pays comme ça, mais je suis aussi, tu vois, il y avait des problèmes chez moi, et je suis parti, quoi, comme beaucoup de gens, quoi. C'est ça. Et de plus en plus. Exactement. Bah, merci, Lair. Merci à vous. Ah oui, il y a d'autres questions, hein. Est-ce que tu peux décrire ce que tu as dessiné pour les gens qui ne voient pas? Mais en fait, c'est Malda, la fille qui a été assassinée. En première ligne. Et derrière, il y a les mondes entiers, un peu les mondes. Et il y a des barbelés à côté qui sont cassés, on va dire. Alors c'est Malda et les mondes qui cassent les barbelés, quoi. Il y a un oiseau. Il y a un oiseau aussi, là, une colombe qui représente un peu la paix, entre guillemets, plusieurs trucs aussi, la liberté. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt la liberté plus que la paix, que c'est un peu pour moi pareil, quoi. Et juste encore une question, vous faites ça souvent. Ouais. Vous êtes assez engagé parce qu'il n'y a pas tous les graffeurs qui font ce genre de... Non, il fait du graffiti quand même. Ouais. Rien à voir avec la politique. Parfois, oui, mais c'est plus, tu vois, c'est plus artistique. Ouais. Mais il fait du graffiti, il fait des trucs... graffiti, c'est illégal, hein. Ça, c'est la déco. Mais, si j'ai bien compris, vous avez quand même proposé à la coordination que vous avez envie de faire un fresque mural et avec d'autres, et que ça sera bien qu'il y ait un peu partout dans la ville. Ça sera bien de colorer toute la ville, hein, ouais. En général. Mais le problème, c'est comme les frontières. Il faut demander la permission et ça ne va pas, tu vois. Il faut être libre et graffer partout. Ouais. Mieux des murs colorés que gris comme ça. Et quand même aussi avec des messages politiques de temps en temps. Oui, mais pas que des messages politiques. Non, pas que. De la poésie ou des trucs, n'importe. C'est l'expression de, tu vois. Oui, oui. Il n'y a pas de frontières, c'est la même chose, quoi. Ok. Il faut s'exprimer des trucs politiques, des trucs même religieux, mais je ne suis pas trop pour la religion, mais tu vois, c'est libre. Mm-hmm. C'est ça les graffitis, c'est ça l'esprit, en tout cas. Ouais. Mais bon, c'est quand même votre demande de faire des fresques murales, apparemment, qui a fait qu'on a l'événement ici ce soir à la place. Donc voilà. Bien, merci pour votre contribution. Merci à vous. Ouais. Et maintenant, on a encore quelqu'un avec nous Christophe, qui a réalisé un des films, court-métrage. Ouais, ok. Dans le micro. Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Christophe, voilà. Et on m'a proposé de venir montrer un court-métrage. C'est mon premier court-métrage, déjà. Et il a été terminé, si je me trompe, en 2001. Donc, voilà. Après l'assassinat de Semira, et il a été fait un peu dans cette continuité-là, puisque à cette époque, moi j'appartenais au collectif contre les expulsions avec d'autres camarades, et cette mort, elle nous a bien secoués, quoi, d'une part, et d'autre part, on avait beaucoup de copains aussi qui avaient des ennuis, des procès, des choses comme ça, et il se fait que certains d'entre nous étaient artistes en même temps. Et donc, en fait, ça allait de soi de faire quelque chose. Et à cette époque, j'ai rencontré un garçon qui était d'origine sénégalaise et qui demandait des papiers, qui était sans papiers à l'époque, qui s'appelle Abdou Sow, et qui était comédien et qui faisait une pièce de théâtre. Et à un moment, en voyant cette pièce de théâtre, je lui ai dit, mais Abdou, en fait, tu dis tout dans ton spectacle. Et donc, d'autres copains aussi sont venus me dire, tiens, si tu faisais un film sur la tragédie ou l'histoire des sans-papiers. Et très vite, c'est cette histoire d'Abdou. Qui s'est imposé à moi comme une évidence. Et du coup, vous allez voir, c'est une drôle de forme parce que c'est une comédie documentaire, je pourrais appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc effectivement, il n'y a pas. Par rapport à la tragédie qu'on venait de vivre, c'est vrai que ça donne un peu de pêche et que on voit aussi ces personnes comme des personnes combative, qui apporte vraiment quelque chose, qui apporte de la joie aussi, et on peut dire des choses fortes sur le régime de la joie, quoi. Voilà. Le nom du court-métrage ? Oui, bien sûr. Alors, le nom, je l'ai pris de son spectacle. Donc, à un moment, c'est « Si c'est une fois, ce n'est pas moi. Si c'est au carré, c'est lui-même. » Alors, évidemment, c'était un long, long titre. Oui. Donc, j'ai réalisé, parce qu'il a tourné un peu en festival, que c'était une très mauvaise chose de faire un long titre pour la diffusion. Et donc, on dit souvent, on appelle ce film « Si c'est », tout simplement. Donc voilà. Donc tu as donc suivi en fait leur travail ou plutôt à un moment donné filmé plutôt le résultat. Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que je dis que c'est une comédie documentaire. En fait, j'ai extrait avec l'accord d'Abdou une partie de sa pièce qu'on a scénarisée en fait. Et donc j'ai refilmé avec son texte à lui, j'ai choisi des moments de texte, j'ai refilmé dans un vieil hôpital abandonné, vous allez voir, et j'ai mélangé aussi ça avec des images purement documentaires qui elles sont tournées au Japon, parce qu'il se fait que à ce moment-là, depuis quelques années déjà, je vis toujours avec une femme japonaise qui est ma femme en fait, et je me disais, mais c'est quand même fou, parce que moi, je peux voyager où je veux, il n'y a jamais personne qui me demande... À la limite, au Japon, je vais avec 3 euros en poche, il n'y a personne qui va venir me demander combien tu as d'argent, si on doit avoir une adresse. Un peu comme en Russie, on doit avoir une adresse, on doit avoir un point de chute, mais à la limite, un hôtel, c'est bon, etc. quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un... Il y a ce mélange-là, donc il y a un mélange entre... ma vie personnelle et des interrogations, et puis son récit à lui, mais qui est vraiment ce qu'il a écrit, quoi. Moi, j'ai juste choisi avec lui un petit parcours, et sa partie à lui, c'est 8 minutes 50, et le film fait 21 minutes, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à demander, peut-être ? Non, on est bien curieux. Oui, c'est ça. Bah, on va découvrir le court-métrage ce soir. Okay. Ouais. Mais merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Quoi. Oui, voilà. On dira après un mot. Après, les gens peuvent venir dire un petit mot. Donc, oui, c'est voilà. Ça. En sachant que c'est un premier film aussi. Donc, voilà. Non, de toute façon... Tout le monde est plein d'ambiance. Mais que je revendique toujours. Hein, ouais, pour moi, voilà. Merci. Merci à toi. Voilà, on a presque terminé, mais je voulais juste encore passer un petit slam. Mais je dois expliquer un peu de quoi il s'agit. En fait, il y a plusieurs problématiques de migration, notamment la transmigration aussi. Donc les gens qui passent, qui ne sont pas là pour rester, mais qui sont là pour passer. Et comme vous savez, certainement ou pas, alors je vous le raconte, ça a commencé vraiment à Calais, mais ça s'est étendu. Et aujourd'hui, c'est en Belgique, mais c'est aussi dans les villages à l'intérieur du pays, en France et tout ça. Et le long de l'autoroute entre Arras et Calais, il y a une station, un service avec un village juste à côté. Le village s'appelle Noronfonte. Et donc, on a déjà... passer quelques musiques en fait par des gens qui habitent dans le village. Et je voudrais encore passer un petit slam et je vous l'explique parce qu'en fait c'est un hommage aux militants bénévoles de l'association Terre d'Errance, qui est donc l'association dans le village. Voilà. Mais ça, j'adore puisque ça, j'aime bien la philosophie des gens. Attends, j'essaie de me débrouiller là. Voilà. Donc ça s'appelle les aidants. Bon, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais c'est le terme qu'ils ont utilisé à un moment. Mais c'est assez riche. Voilà, je le lance. Ça commence comment ? Ça commence comment ? Par un détour, un coup de frein pour un coup de main, un déboîtage sur National, une caravane de corps noirs au bord des phares pour laquelle on s'inquiète, ou parce qu'on est emmené par un cousin, par une voisine dans une manif ou dans une fête, ou bousculé par un article ou invité à se bouger par un curé atypique. Moi, c'est ma femme qui a ramené toutes ces affaires dans notre ménage, parce qu'elle avait lu le journal. Un petit journal local, dans lequel elle avait vu un curé. Et elle m'a dit qu'elle voulait l'aider, et aider les gens qui l'aidaient, les gens dans la boue. S'ils sont là, si nous sommes là, faut y aller, qu'elle a dit. Des gens dans la boue, alors n'importe où, des gens dans la boue près de gens dans leur nid, ça fait toujours, ici à Rio ou à Katmandou, des grimaces et du dégoût, et du partage et de l'amour, ça fait les deux, toujours les deux, les contre et les pour, des tolérants et des pas contents. Des gens dans les fossés, la plupart grimacent et passent à côté, quelques-uns s'arrêtent compatissants. Aujourd'hui, on en est là, mais il y a 2000 ans, ça devait pas être fort différent. Alors ceux qui restent dans leur silence, peut-être qu'ils en souffrent, peut-être qu'ils y pensent à ces ombres, à ces présences, à ces messieurs, madames sombres sur les bas-côtés de l'errance, mais puisqu'ils gardent le silence, puisqu'ils s'abstiennent, ceux qui restent en dedans de leurs affaires, dans leurs autos, dans leurs tuyaux, à chacun son propre désert, ceux-là, on n'a pas eu l'occasion de les connaître. On a connu ceux qui sont sortis de leur train-train, qui ont donné un coup de frein pour s'arrêter au bord de la route, ceux qui ont partagé leur croûte, fait du gâteau, donné de l'eau, ceux qui sont venus boire le thé, qui n'ont point peur de l'étranger. Des retraités et des genoux, des paysans et des bobos, des chrétiens, des anarchos, des classiques, des originaux, ceux dont on parle peu dans les journaux, sauf quand l'un d'eux est arrêté pour délit de solidarité. Les aidants et les aidés. C'est dans la boue qu'on s'est rencontrés, et ce qui s'est passé entre nous, personne ne l'aurait imaginé. Il y a eu là-bas, à Noranfonte, je parle de ce que je connais, il n'y a pas que Terre d'Errance Noranfonte, je le sais, mais il s'est passé des trucs magiques dans lesquels t'imaginerais même pas dans un conte. J'ai vu par exemple un anarchiste, un prêtre catholique et un communiste aller main dans la main fêter le ramadan chez une isbergoise. J'ai vu un bébé d'une famille athée couché dans la litière de la crèche de Noël de l'église de l'hiver. J'ai vu des enfants d'Occident partageant le ballon avec des exilés venus des coins du monde. Une dame distinguée en petits souliers et collants de dentelle, tellement chic, buvant du thé les deux pieds dans la boue dans un paysage étrié par la pluie et le vent, elle a réussi à ne pas les souiller, les souliers, et sympathisant avec un échevelé, un handicapé, une fermière retraitée, un couple de chômeurs surendettés et une caravane d'exilés. J'ai vu un funambule et un acrobate défiant la pesanteur devant des yeux jadis nourris par la terreur, à cet instant-là lumineux de bonheur. J'ai vu Maxence et Léo, à peine préados, aider un gamin paumé d'Afghanistan à tenir sur un vélo en plein milieu d'un champ. Et j'ai même vu une dame paroissiale poser pour la photo en tenant au bout des doigts un gigantesque slip kangourou. Des centaines de milliers de regards échangés, des repas partagés, des gestes croisés, des mots balbutiés, des amours esquissés, et aussi des passions, des tensions, des incompréhensions, des silences, des questions, des émois sans réponse, des dissimulations, des doutes et des dons, enfin l'humanité. L'humanité qui essaie de parler anglais, qui essaie d'aider, de protéger, de s'évader, de faire avancer, qui se comprend, se comprend pas, qui se marre, qui en a marre. C'est pas toujours marrant, le merdier sans amarre. On est des hommes, on aide des hommes. On aide où? Et dans quoi? Dans la boue? Aide en gestes, en tissu, en kilomètres, en réunion, en kilomètres de réunion. Aide en présence, en patience, en essence, aide en permanence. Les aide en hébergeant, les aide en conduisant, les aide en construisant, les aide en rassemblant, en dansant, en jouant, en buvant, les aide en soignant, nourrissant, réchauffant, les aide en apprenant, en partageant, en souriant, les aide en soutenant, les aide en tenant le coup. Les aide à tous les coups. Les dents et dans leur rôle de l'État. Aidant et dans le rôle de l'État. Aidant et dans quel État? Les aidants sont là, laissés là à leur seul cœur, à la force de leurs seules mains, de leurs seules intelligences. Heureusement associés, mais lésés, laissés dans la masse des mauvaises gens, loin des hauts lieux de l'aisance, les aidants lésés par l'État. Les aidants sont dans quel État? Certains à fond, happés. D'autres au fond usés, ou en joie, portés. Aidant et dans quoi? Dans la merde et le froid, dans l'homme et les mois, la fatigue et les froids. La présence impuissante, la présence agissante, la facture des mois. Et dans la voiture, des sacs d'habits, des piles, des sacs de pain, de l'aspirine et des êtres humains. Et dans la maison, des tracts, des chargeurs de téléphone, des piles de noms, des comptes rendus de réunion, des sacs d'habits, des caisses d'outils, des sacs de pain, de l'aspirine et des êtres humains. Et dans la tête des comment faire, des ça va bien, des pour demain, des souvenirs, des vices sans fin, des visages bruns, des voix, des mains, des tas d'aidants, tous différents, épatants, mais pas tant que ça, il n'y a pas tant d'aidants que ça, mais des aidants épatants, des tendus, des détendus, des ingénus, des ingénieux, des vieux de la vieille et des nouveaux venus, des sages constants, des décoiffants. Tous ceux qui vivent ces aventures ont désormais les yeux changés, des souvenirs pour plusieurs vies et des horizons élargis. Des dizaines de nouveaux amis et des voitures bien fatiguées. Un cœur par-delà les murs, des mots au-delà des gouffres, une voix et 10 000 bouches, un autre regard sur les douches, des pans de soie en Angleterre, en Italie, des pensées vers le désert, des larmes en regardant la mer et des cousins en Éthiopie et une foule de nouveaux amis. Ça finit pas. On n'en finit pas, c'est pas fini. Bah, de toute façon, ça finit pas. Moi, là, je suis vraiment qu'un tout petit éclat de tout ça. Et maintenant, ces quelques mots-là, à la radio, c'est vraiment qu'un éclat d'un éclat de tout ça. Et nous sommes tous des éclats de tout ça, donc je vais pas tout vous raconter. Fraternité Migrant, Monique à la télé, Calais, nos borders, je peux pas tout vous raconter. Vous, nous tous, à chacun de nous raconter. Mais fierté et beauté, on peut pas le nier. La fraternité, on sait ce que c'est, l'humanité, sûr qu'on en est. Douleur, frustration, fatigue et belles actions, on peut pas le nier. Rêve et tension, courage, construction, naissance, relation, petites, immenses actions, on peut pas le nier, c'est quand même salutaire, cette association. Alors, salut, t'es rien. Salut à toi que t'es rien. Salutaire, salut, Terre d'Errance. Salut à toutes celles et tous ceux qui adoucissent la France. La dernière histoire. On peut faire un accompagnement. Parce que la dernière histoire, même si elle est très loin de moi, bruxellaire du sud de Forêt, quand je l'ai lue, oh, ça m'a tilté direct. C'est un truc qu'on vit quand même souvent. Alors l'histoire s'appelle « Le poisson et la femme du léopard ». Il y a très longtemps, alors que le roi Eyo régnait sur Calabar, le poisson vivait sur la terre. Il était dans le buisson avec le léopard. Le léopard était son ami et il se visitait de temps en temps entre deux buissons. Et puis, le léopard rencontre une belle femme. À peine il rencontre cette très belle femme, le poisson en tombe éperdument amoureux. Après un temps, le léopard réussit et il se marie avec cette femme, etc. Et puis, quand il s'absente du buisson, le poisson avait pris l'habitude de se rendre dans le buisson de son ami léopard, puis de faire l'amour à la femme du léopard. Et alors toute cette histoire dure tout un temps jusqu'au moment où il y a une vieille qui vit à côté dans un autre buisson. Et elle dit au léopard, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors dans un premier temps, le léopard ne voulut pas y croire. Comment le poisson, qui était son ami depuis si longtemps, pouvait lui jouer un si mauvais tour? Et puis le léopard rentre par surprise et découvre le poisson occupé avec sa femme. Le léopard devint fou rage. Il était sur le point de tuer le poisson, mais il pensa que le poisson avait été son ami pendant si longtemps et qu'il ne pouvait pas le tuer ainsi. À la place, il alla dénoncer le comportement du poisson au roi Eyo. Le roi organisa un grand palabre pendant lequel le léopard expliqua son plan brièvement. Lorsque ce fut autour du poisson de se défendre, celui-ci n'avait rien à dire. Alors le roi, s'adressant à ses sujets, dit « C'est une situation très grave. » Le poisson, qui était l'ami du léopard et qui avait gagné sa confiance, a profité de l'absence du léopard. Alors, le roi ordonna que dans le futur, le poisson vivrait dans l'eau. Et que si d'aventure, il venait sur la terre, il mourrait. Et il conseilla aussi à tous les hommes et à tous les animaux de chasser et de manger le poisson s'ils parviennent à l'attraper en punition de son comportement avec son meilleur ami.